La malle de Simbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Julie à la technique. Infos, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture. Quête d'un style, les années 1920. Marhaba fi Sundouq Sindbad, bienvenue dans la malle de Sindbad. Bonjour Julie. Bonjour Sébastien. Et voici donc une nouvelle émission, toujours consacrée à cette grande chanteuse que fut Oum Kalthoum. Nous allons nous déplacer toujours plus avant dans le temps, avec les années 30. Mais, un petit écart, allez, une distorsion pour le plaisir. Donc on va revenir à la fin de la deuxième moitié des années 20. Juste pour le plaisir, afin d'écouter une chanson assez célèbre, Tra'i Ghiri d'Oum Kalthoum, donc de 1926, Kalimat Ahmed Rami, parole d'Ahmed Rami, et Alhan Mohamed Al-Qasabghi, musique de Mohamed Al-Qasabghi. C'est donc Tra'i Ghiri, Wa Tabtassim. Bonne écoute. Thank you. Comment Oum Kulthoum conquiert-elle sa notoriété ? À l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, la planète s'embrase. Les totalitarismes viennent faucher les révolutions. Il suffit de se souvenir, Staline en Russie, donc ce qui est devenu l'Union soviétique, Franco en Espagne. Les totalitarismes fauchent les révolutions et éteignent leur feu. Les puissances impérialistes matent les soulèvements qui ébranlent leurs joues. Au Proche-Orient, la crise de Palestine s'achemine à grands pas vers la confrontation armée. En Égypte, le pouvoir pourrissant n'en a plus pour longtemps. L'indépendance est à portée de main. Mais revenons à la musique. Nous avions parlé du daur, ce genre virtuose, legs de la narda. À une introduction en chœur, le madhab succède à un solo, le daur, où le chanteur exprime le fond de son âme. Sous la houlette de Mohammed al-Qassabghi, il se trouve revisité et structurellement transformé. C'est le soliste qui assume la dramatisation de l'ensemble, ayant abandonné le jeu avec les répondants. Le thème de l'amour perdu et des tourments qui s'ensuivent domine ses pièces. Dans les années 30, le romantisme triomphe. L'individu règne dans un monde profondément exotique. Toujours dans les années 30, la musicologie s'approprie l'objet « musique arabe ». En 1932, pour être précis, se tient au Caire une conférence internationale consacrée à la musiqa arabiya. Les spécialistes s'interrogent. Ils s'interrogent sur les instruments qu'elle peut ou non adopter. Ils réfléchissent également à l'harmonisation de ces maqams, voire à la possible mort du quart de ton. On s'émeut sur les menaces que feraient peser ces mesures à l'encontre d'un tel héritage et on parle de préservation. L'ornia, la chanson, gagne du terrain. Dotée d'un refrain, une ritournelle, en dialectal, c'est un véritable creuset pour les inventions musicales. Oum Kulthoum s'en remet à Zakaria Ahmad pour les textes et Riyad Essumbati pour la musique. Et retenez ce nom, Riyad Essumbati. Il ne la quittera plus. Elle s'en remet donc à ces deux grands artistes pour investir un espace en expansion. Oum Kulthoum est une femme de son temps. Elle accroît son emprise en produisant ses propres spectacles. De plus, elle a intégré, et cela fait suite aux médisances qui avaient été reliées par une presse mordante dont elle avait eu à souffrir les pics, elle a intégré que les médias sont désormais incontournables. Ceci l'amène à se forger une image publique respectable, savamment taillée. Elle retourne chez Odeon Records, où elle obtient des conditions plus lucratives. Pendant un demi-siècle, elle se fera une règle d'or de systématiquement négocier le meilleur contrat de la profession et de poser comme clause l'alignement automatique de ses revenus sur tout concurrent mieux payé. Écoutons à présent un nouveau morceau. Min al-Li'al, qui a dit Min al-Li'al en al-Qamar yishbel mahboub al-Fu'ad, qui a dit que la lune ressemble au bien-aimé du cœur, c'est un titre de 1936. Kalimat Abdelrahman Fayad, parole de Abdelrahman Fayad. Al-Han Zakaria Ahmad, musique de Zakaria Ahmad. Et c'est donc Min al-Li'al. لمحبوب الفؤاد Quelle mutation connaît la profession dans les années 1930 ? Disons tout d'abord, le phonographe décline face à la standardisation des postes TSF. Radio Égypte émet sur les ondes à partir de 1934. Oum Kathoum s'essaye à ce nouvel outil et rapidement, elle va s'en emparer. De 1937 à 1973, elle donnera chaque premier jeudi du mois un concert retransmis par la chaîne nationale. Véritable communion à l'échelle du territoire, cet événement mensuel débute vers 10 heures du soir et se prolonge tard dans la nuit, entrecoupé de pauses. Il aura lieu sans interruption, 36 années durant. son impact est majeur et érige Umm Kulthum au statut de monument pour le pays. Le cinéma fleurit. Les salles se multiplient, les comédies musicales s'invitent sur leurs écrans, les productions nationales obtiennent le soutien de véritables capitaines d'industrie. Talat Harb est l'un d'entre eux. C'est lui qui fonde les studios Misr en 1925. En 1935, Umm Kulthum joue dans Widad, une super production dont la musique est signée par Mohamed Al-Qasabghi et Riyad Al-Sumbati. Un jeune et beau marchand se voit contraint, acculé par la faillite, de vendre l'esclave dont il s'était amouraché. Heureusement, l'amour finira par réunir les deux héros. Le film enregistre d'importants gains et s'exporte jusqu'en Europe. Par ailleurs, Umm Kulthum veille à cadrer les sujets avec le portrait traditionnel qu'elle brosse d'elle-même, mise dans la peau de l'injustice, comme Fatma en 1947, ou à la servitude, Salama en 1945. Des femmes qui finissent par triompher. Salama narre une histoire d'amour de l'époque omeyyade entre un homme pieux, Asset, et une esclave mécoise. Dans Fatma, une jeune fille de conditions modestes repousse les avances d'un fils de pacha et devra son salut au quartier qui se mobilise et la soutient dans l'épreuve. Umm Kulthum s'essaye 5 fois au métier d'actrice avant de raccrocher, après la Seconde Guerre mondiale. Le format cinématographique s'accommode fort bien de l'ournia, cette fameuse chanson, qui génère des tubes fredonnés sur toutes les lèvres. Umm Kulthum est parvenue, selon des termes de Virginia Danielson, vous savez, l'auteur de The Voice of Egypt, à forger un idiome propre qui conjugue classicisme et contrôle vocal. Reconnue comme Sheikh parmi les Mashaïkh, elle s'est usée d'une riche palette technique recourant dans ses improvisations à la runna, c'est cette nasalisation désirable qui est originaire du tajwid coranique dont nous avions parlé au tout début. Elle recourt également à la baha, c'est ce son qui est rauque et qui est effectivement maîtrisé, un ornement tout à fait appréciable, mais également au falsetto. Sa voix puissante, mais jamais grossière, est capable d'une tenue impeccable dans la durée. Elle parcourt sans à-coup un registre de 2 belles octaves. L'âge d'or frappe ses 3 coups. Et pour nous quitter, eh bien nous vous proposons un dernier titre, Matrok Damak, un titre de 1926, parole d'Ahmed Rami, Kalimat Ahmed Rami, musique de Mohamed Al-Qasabghi, Al-Han Mohamed Al-Qasabghi. Allez, ensuite c'est promis, on y reviendra plus, ce sera terminé pour les années 20. Une belle écoute et nous vous disons au revoir, ma'a salama. Oh!